L'amendement de la charte de l'OIA existe déjà puisque le traité d'Abuja avait quasiment créé une nouvelle charte. Abuja aborde presque tous les sujets et je n'ai pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Le traité englobe à la fois le Conseil exécutif, le Congrès, la Haute Cour africaine, le Conseil des ministres, les comités ministériels et culturels. Tout cela figure déjà dans le traité d'Abuja et la charte de l'OIA. Malheureusement, c'est un corps sans âme, un ensemble de résolutions restées lettre morte. Tout ce que je désire donc, c'est de les mettre en œuvre. Et c'est au ministre des Affaires étrangères du Gabon, Jean Ping, que nous laisserons le soin de conclure ce chapitre sonore consacré à l'unité africaine et au panafricanisme. Jean Ping, enregistré le 22 octobre 2000.